le chant des oiseaux en liberté te conduira. Quelques branches de lavande ont fait le toit, et de cerisiers ont poussé pour toi et moi. Le soleil inonde chaque jour cette maison vide d'amour, mais te voilà. Chaque jour, cette maison vide d'amour, mais te voilà.